Chapitre 5e. On se souvient du chaleureux appel adressé jadis par Robin à ses fils, lorsqu'ayant appris qu'il était libre, il résolut de se consacrer tout entier à la prospérité de la Guyane. Arraché à sa torpeur cette immense contrée, infusé à un sang jeune, à ce vieil organisme débilité avant d'avoir vécu, tirer du sol les richesses qu'il renferme, exploiter les terrains en s'approvisionnant sur place, créer des relations commerciales et industrielles, faire en un mot de la colonie française l'heureuse rivale de la colonie anglaise, tel était le projet gigantesque dont il voulait poursuivre la réalisation. Une pareille entreprise exigeait une envergure de géant. Un étranger, connaissant les secrètes espérances de l'ingénieur, l'eût indubitablement taxé de folie en examinant les moyens dont il disposait. Et quoi ? Cet audacieux, qui la veille encore n'était qu'un exilé sans patrie, qui depuis 15 ans n'avait eu aucune relation avec le monde civilisé, prétendait, aidé de 5 blancs et de 3 noirs, s'attaquer au colosse invincible jusqu'alors. Il allait tenter ce que d'opulentes compagnies, des gouvernements eux-mêmes, n'avaient pu réaliser. Il ferait sortir du vieux limon primitif, de ce gouffre sans fond qui depuis 2 siècles et demi a dévoré tant d'existences, l'or et le sang des colons morts à la peine. Il vengerait les victimes de Kourou, transformerait l'ossuaire équinoxial en un champ fertile et ferait rendre gorge à la Guyane en la sauvant d'elle-même par elle-même. Folie, dira-t-on, mais folie sublime, jusqu'au jour où le vieux monde stupéfait dirait, en voyant le succès couronner cette suprême audace, le fou était un homme de génie. C'est que si le thermite anéantit un navire, une montagne de bois, si la goutte d'eau creuse le rocher, si l'infiniment petit a raison de l'infiniment grand, l'idée constante trouve plus sûrement encore les ténèbres de l'ignorance et le travail de tous les instants ne connaît pas d'obstacle. La grande ombre de Malouet, qui plane toujours sur cette terre méconnue, dut tressaillir de joie quand Robin, redressant fièrement la tête, dit à la Guyane « À nous deux !» L'ingénieur connaissait à fond la zone équinoxiale. Le passé n'avait pas de secret pour lui. Il avait su tirer de l'histoire navrante de notre colonie tous les enseignements philosophiques et économiques. Peu lui importait le présent. Il en faisait volontiers abstraction pour ne penser qu'à l'avenir. Ce rêveur, plein d'audace, était un profond calculateur. Il n'avait aucun préjugé à l'endroit de la Guyane, et chose qui paraîtra peut-être paradoxale, aucune illusion. Il jugeait froidement, sainement, la situation, sans s'exagérer ni les espérances ni les difficultés. Nous allons d'ailleurs le voir à l'œuvre dans un moment. Deux causes essentielles, dit-il à ses enfants et à Nicolas, ont constamment entravé l'œuvre de colonisation tentée depuis l'expédition du capitaine Lavardière en 1604. D'une part, la dissémination des forces, petites ou grandes, amenées sur ce point du continent américain, d'autre part, l'insuffisance des approvisionnements. Il n'est pas douteux, en effet, que la défectueuse organisation de la Guyane, avec ses 24 000 habitants éparpillés entre le Yapok et le Maroni, ne soit due aux établissements des jésuites autour desquels la population indigène, alors nombreuse, s'est groupée. Sans les missions de l'île de Cayenne, de la Comté, d'Aprouague, d'Oyapock, de Kourou, de Sinnamary et de Connemana, il est probable que les colons se seraient agglomérés sur quelques points choisis dans l'île de Cayenne. Il n'a nullement besoin, n'est-ce pas, mes chers enfants, de bien longs raisonnements pour voir que cette dispersion des forces actives sur cet immense territoire ne pouvait qu'être déplorable. Les établissements, privés de communication, incapables de se porter secours, devaient infailliblement succomber. Il eût été si simple, pourtant, de concentrer en un seul point bien accessible tous les convois envoyés de la métropole, de travailler à perfectionner à tout prix une installation, même mauvaise, et de ne pas laisser perdre un atome de la force. N'est-ce pas ainsi que Pierre le Grand a eu raison des marais de la Neva et improviser de toutes pièces la ville admirable qui porte son nom ? Je continue, et je passe à la question des approvisionnements plus mal comprises encore, et qui, par sa défectuosité, a été la cause occasionnelle de tous les désastres. Toutes les expéditions n'ont pris au départ de la France que la quantité de vivres nécessaires à la traversée. Nul parmi les organisateurs n'a compris que la Guyane n'était pas en principe un pays de production et qu'en dépit de sa fertilité, il fallait y improviser de toutes pièces l'existence des immigrants. La forêt vierge, qui produit après le défrichement plus de 500 pour un, ne peut, du jour au lendemain, donner du manioc, des épices, du café, du cacao, du coton, du roucou, de la canne à sucre, que sais-je encore. Non seulement la croissance de ces précieuses denrées est fort lente, mais vous le savez aussi, les grands bois, avec leur stérile magnificence, sont incapables de nourrir un chasseur, à plus forte raison, une agglomération de colons qui ne sont pas rompus à la vie d'aventure. Or, il faut manger, pendant que le défrichement s'opère. Si l'on n'a pas eu la précaution d'approvisionner largement les chantiers, en amenant du dehors toutes les choses indispensables à la vie, la famine se déclare bientôt. La famine, avec son terrible cortège de maladies, et tous les mauvais conseils qu'elle peut suggérer à ceux dont elle tord les entrailles. C'est aux suites de cette inconcevable impéritie dans les approvisionnements que sont imputables les désastres qui ont jeté le discrédit sur notre France équinoxiale, les épidémies, les fièvres, les révoltes, le pillage, les exactions à l'endroit des indigènes, que ne feraient pas des hommes mourant de faim. Il était si simple d'agencer préalablement les points colonisés, d'y construire des abris et surtout d'y introduire du bétail. Si les plantations, au lieu d'être éparpillées de tous côtés, avaient été concentrées dans l'île de Cayenne, le tour de l'île, Roura et les côtes de Macouria, où sont des terres fertiles et des bois de toute essence, le reste de la colonie aurait pu être rempli de bœufs importés d'Europe. Leur chair serait aujourd'hui la base de la nourriture des colons comme au Venezuela, comme au Brésil et même au Pará, à quelques lieues de notre Oyapock. L'introduction du bétail a été la cause unique de l'acclimatation des Blancs dans ce pays aujourd'hui bien peuplé, pendant que la Guyane végète, réduite encore à la portion congrue de couacs et de poissons secs. Puisque les hasards de notre destinée nous ont jetés sur les rives de ce fleuve géant, presque inconnu du monde civilisé, et que bien peu d'Européens ont exploré, faisons ici ce que nul n'a pu accomplir encore sur les autres points du territoire. Créons la colonie modèle du Maroni. Notre nombre est bien faible, mais nous possédons l'immense avantage de l'acclimatement et la connaissance approfondie des périls et des ressources de notre pays d'adoption. Nous avons aujourd'hui non seulement de quoi vivre, mais encore de quoi nourrir des centaines d'individus. La famine est vaincue et avec elle le plus mortel ennemi de la colonisation. Je n'ai pas la prétention d'improviser avec nos seules forces ce lieu de production que revendiquera bientôt la civilisation. Vécussions-nous 100 ans encore, nos existences n'y suffiraient pas. Nous allons créer l'élément indispensable du succès. Quand nous aurons l'outil en main, nous aviserons. Le sol ici regorge d'or, puisque l'or est le grand moteur, on pourrait dire l'unique moteur des efforts humains. Devenons riches, soyons chercheurs d'or. Quand il y aura ici quelques centaines de mille francs lingots, la colonie de la France équinoxiale sera fondée. J'ai dit, à l'œuvre. Cette seconde incarnation qui transforma les colons en mineurs fut un jeu pour les Robinsons de la Guyane. Aidés des trois bonnies dont l'attachement profond et la colossale vigueur firent de précieux auxiliaires, Robin, ses fils et Nicolas construisirent des instruments à laver l'or et fouillèrent sans relâche le lit des criques de l'immense bassin. Les Indiens, hélas, incapables de collaborer aux grandes œuvres, avaient bientôt repris leurs habitudes nomades. L'ingénieur avait pourtant remporté une grande victoire, en resserrant le périmètre de leur course à un espace assez restreint. On était certain de les trouver en temps et lieu, quand on aurait besoin d'un vigoureux coup de collier, pour jeter à bas un coin de la forêt. Les Peaux-Rouges consentaient sans la moindre répugnance à devenir bûcherons et à débarrasser des végétaux les terres à laver. C'était peu, mais cet embryon de sédentarisme et de production avait une grande importance. Les efforts des premiers jours, stériles en apparence, ne décourageaient pas les intrépides travailleurs. Le rendement des premiers lavages atteignit un chiffre dérisoire, et il fallait toute l'énergie de ces vaillants pour ne pas abandonner un travail si peu rémunérateur. La déveine persista des mois entiers sans que leur constance fût un seul instant ébranlée. Puis, ce labeur acharné obtint sa récompense. La production, qui était restée maigrement stationnaire à quelques centaines de grammes, monta à 4 kg le quatrième mois. Au bout d'une année, ils possédaient environ 30 kg d'or, soit 90 000 francs. La seconde année fut infiniment plus productive. La moyenne égale à celle de la première, mais ils tombèrent un jour sur une poche, comme disent les mineurs, et ils en tirèrent près de 20 kilos en un mois. Sur ces entrefaites, Lomi et Bachelico firent une absence de 2 mois et s'en allèrent à Kotika, le grand village Boni. Ils ramenèrent chacun une femme, avec 4 jeunes gens de la tribu alliés à leur nouvelle famille. L'arrivée de ces robustes travailleurs était un précieux appoint pour la colonie naissante. À la même époque, Nicolas et Henri descendirent à Saint-Laurent et s'embarquèrent pour Cayenne. Robin avait jugé à propos de régulariser la situation au point de vue de la légitime possession du territoire exploité par l'association. Bien que l'ingénieur n'eût plus aucun motif pour se cacher, il fit prendre la concession au nom d'Henri. Le jeune homme se rendit avec Nicolas à la direction de l'intérieur et obtint, moyennant un droit de 8 centimes l'hectare, une concession de 10 000 hectares avec le droit d'élever du bétail et de rechercher l'or. C'était la première fois depuis 12 ans qu'il revoyait la vie civilisée. Que d'événements accomplis depuis cette longue période. Avec quelle avidité ils dévalisèrent les libraires stupéfaits d'une pareille ardeur chez de simples mineurs. Ils se munirent également d'une ample provision d'armes, de munitions, d'outils, d'effets, d'habillements, achetèrent quelques médicaments, sans oublier une pleine tourie de mercure dont l'emploi devait doubler leur production en or. Ils revinrent à l'établissement, et tel fut l'acharnement déployé par chacun que la troisième année n'était pas encore écoulée, et le stock de métal s'élevait au chiffre énorme de 200 kilos. Que l'importance de ce chiffre n'étonne personne. Les Robinson, exploitant pour eux et par eux, n'avaient à supporter aucun de ces frais qui grèvent si lourdement les placères et enlèvent jusqu'à 50% de la production effective. Ils avaient en outre apporté dans leurs instruments des perfectionnements remarquables grâce auxquels ils pouvaient réaliser des économies de toutes sortes. Ils eussent pu, avec cette somme de 600 000 francs, si loyalement gagnée, se retirer en pays civilisé et faire, comme on dit vulgairement, honnête figure. Mais leur but était plus élevé. Ils regardaient cet or comme un dépôt, et loin d'en distraire une parcelle à leur profit, ils n'avaient même rien ajouté à leur frugal ordinaire de Robinson. « C'est assez, mes enfants, » dit alors l'ingénieur. « Nous avons aujourd'hui l'élément essentiel de colonisation, l'outil, comme je vous le disais jadis. Maintenant, nous avons tout à faire avant d'introduire ici les bras qui doivent retourner ce sol. J'espère avoir avant peu de quoi nourrir les émigrants qui viendront ici. C'est le moment de transformer les mineurs en éleveurs de bétail. Procédons toujours avec méthode et installons avant l'arrivée des bêtes à cornes les emplacements pour les recevoir. Puis, comme la Guyane n'en possède pas, eh bien, nous irons en acheter au Para. Nous fréterons une goélette et si nous trouvons par hasard en rade un vapeur, nous verrons à l'employé. Peu importe l'argent, l'essentiel est d'aller vite. L'énergie des Robinson avait triomphé de tous les obstacles, et les mauvais jours étaient passés. La nouvelle habitation avec laquelle on fera prochainement connaissance possédait, à moins de 3 kilomètres, de grandes savanes remplies d'une herbe épaisse, analogue à celle qui croît sur les côtes et connue sous le nom d'herbe de Guinée. La hâterie était toute trouvée, il y avait là de quoi nourrir 10 000 têtes de bétail. Robin résolut d'aller lui-même au Para conclure cette importante acquisition. Il partit, accompagné d'Edmond et d'Eugène, ravi comme des écoliers en vacances à la pensée de ce voyage. Cette interminable traversée de Cayenne à Belém, ordinairement contrariée par le courant et les vents contraires, s'opéra sans encombre, bien qu'avec une lenteur infinie. L'ingénieur eut le bonheur de rencontrer le navire à vapeur sur lequel un des principaux négociants de la Guyane vient chaque mois chercher l'approvisionnement de la ville. Il obtint de lui qu'aussitôt son arrivée à Cayenne, il reviendrait sans désemparer chercher le troupeau qu'il allait acheter et l'amènerait jusqu'au Sceau Hermina. L'armateur faisait une excellente affaire et Robin y trouvait son profit. Il put examiner ses sujets à loisir et donna, comme de juste, la préférence aux génisses qui devaient mettre bas au bout de 2 ou 3 mois. Il en choisit 200 qu'il paya, malgré les droits brésiliens et les gains énormes des faisandeurs, au prix dérisoire de 100 à 110 reis le kilogramme, soit 32 à 33 centimes. Et comme ses fils s'étonnaient à bon droit de cette incroyable modicité, comparée au prix exorbitant de 2 francs 20 centimes qu'est celui de Cayenne, quand par hasard on trouve du bœuf à acheter, il répondit « Encore une aberration de nos colons, la Guyane manque de bœufs. De temps en temps, on voit arriver ici un bateau cayennais, implorant la viande des Brésiliens. Ceux-ci, à force d'instance, consentent à l'accorder comme une aumône et la vendent ce qu'ils veulent. Ne serait-il pas infiniment plus simple d'acheter, ainsi que nous le faisons, du bétail sur pied et de l'élever ?» L'armateur du navire à vapeur fut ponctuel et le troupeau tout entier, composé de 200 génisses et de 5 taureaux, fut conduit sans encombre jusqu'au sceau et Hermina. Une difficulté colossale devait aussitôt s'élever et empêcher peut-être la réalisation de ce projet. Comment en effet faire franchir au troupeau ce rapide qui, bien que praticable aux canots indigènes, présente aux embarcations d'un fort tonnage une insurmontable barrière? Mais Robin avait tout prévu. Grâce à une minutieuse étude de la barre rocheuse, il avait pu, après des sondages multiples, trouver un chenal profond, conséquemment peu rapide, placé le long de la rive droite. Ce chenal, large de près de 25 mètres, longeait sur toute la longueur du sceau la berge que des travaux préparatoires transformèrent en une sorte de chemin de halage. Cette configuration d'une partie du fleuve était une trouvaille. Mais les êtres véritablement forts ne savent-ils pas tirer parti de tout? Et l'adaptation des hasards aux cousins de la vie n'est-elle pas une de leurs vertus? L'ingénieur, aidé par ses fils, avait préalablement construit un vaste radeau pourvu d'un bastingage et qu'une double ceinture de barriques vides rendait complètement insubmersible. Le bétail fut débarqué sur la rive et les animaux chargés aussitôt au nombre de 30 sur le radeau amenés bord à quai. Les génisses du Para sont de petite taille et leur poids dépasse rarement 300 kilos. Le radeau n'avait donc à supporter qu'un poids relativement faible de 9000 kilos, soit 9 tonneaux, et il était construit pour emporter deux fois autant. Les Robinsons allèrent vigoureusement sur une cordelle, comme les mariniers de nos canots européens, et firent franchir sans encombre à leur précieux chargement ce défilé dangereux. Ce n'est pas tout. On compte d'Hermina au Sopetersungu environ 50 kilomètres. La hâterie des colons étant située à 10 kilomètres environ au-dessus de ce second rapide, il fallait conduire le radeau à 40 kilomètres du point d'embarquement. Edmond, Eugène et Charles furent laissés à la garde du reste du troupeau confiné sur une vaste presqu'île couverte d'épais pâturages. Angosso avec ses deux fils, Robin, Nicolas et Henri, conduisirent en pagayant ce premier convoi qui arriva sans encombre à domicile après deux journées de navigation. Le retour du radeau vide s'opéra en 12 heures, le courant aidant. Le bétail fut partagé en 5 lots qui suivirent la même voie, grâce au même procédé, et tout alla de façon que, après 15 jours de labeur écrasant, l'habitation de la France équinoxiale était pourvue d'un inestimable trésor. 200 bêtes à cornes s'ébattaient joyeusement dans les savanes, à la grande stupéfaction des Indiens auxquels un pareil spectacle était absolument inconnu. Robin les familiarisa bientôt avec ces animaux extraordinaires et leur en confia la garde. Cette fonction s'accommodant parfaitement à leurs habitudes de nomades paresseux, ils consentirent de grand cœur à devenir vaqueros. Ils firent tant et si bien, et le chef de la colonie sut encourager leur vigilance avec tant d'à-propos, que bien peu de génisses devinrent la proie des tigres, ce fléau des hâteries. Si les éleveurs avaient accompli de non moins terribles efforts que les chercheurs d'or, leurs peines furent également récompensées. Le troupeau avait presque quintuplé en 6 ans, de telle façon qu'au moment où commence notre récit, 1000 bêtes superbes tondaient avec un merveilleux entrain les herbages de la savane sans fin, en dépit des vides laissés par l'épizootie et l'alimentation des colons. Les immigrants pouvaient venir dorénavant. La famine était vaincue et la subsistance d'une grande agglomération d'hommes assurée pour toujours. Le nombre des ruminants de la hâterie ne pouvait que s'accroître, en dépit d'une consommation énorme. Le calcul est tout simple. Sur 1000 vaches mises en savane, 600 au moins portent par an. Sur ce minimum de 600 produits, admettons, au pis-aller, que 200 meurent avant l'âge de la reproduction, qui est 3 ans, emportés par le tigre ou la maladie. 150 suffisent pour la reproduction. Il en reste 250 pour la consommation annuelle. Chaque animal donnant environ 200 kilos de chair nette, la France équinoxiale pouvait, bon an mal an, mettre à la disposition de ses hôtes à venir 50 000 kilogrammes de viande fraîche. Notez bien que nous tablons sur un minimum très inférieur à la réalité. Aucune appréhension d'ailleurs relativement à l'alimentation de cette admirable fazenda. Une savane d'une lieue carrée peut nourrir 1000 têtes, et la savane est comme tous les herbages. Plus on y met de bétail, plus elle peut en nourrir, toute proportion gardée bien entendu. Les éleveurs redevenaient entre-temps chercheurs d'or et n'abandonnaient ni la pioche ni le sluice. Le rendement de l'or continuait avec ses intermittences et le fonds de réserve s'arrondissait. Le 1er novembre de l'année 1870 et quelques, Robin dit à sa famille réunie : « Mes enfants, tout est prêt. nous avons la fortune. L'abondance règne ici. La nature est vaincue. Il faut frapper un grand coup. Nous allons faire appel aux bras qui manquent en Guyane, exploiter en grand les richesses qu'elle renferme, extraire l'or du sol, laver les graviers aurifères, broyer les quartz, fouiller la couche végétale, lui faire produire le café, le cacao, le coton, le roucou, les épices et la canne à sucre. Voilà quel doit être notre double objectif. Nous trouverons des coolies hindous pour l'agriculture et des noirs de la côte d'Afrique pour les mines. Les blancs engagés à prix d'or viendront comme ouvriers d'art. Mieux encore, la Martinique regorge d'habitants. Favorisons l'immigration de cette belle race des mulâtres martiniquais, si intelligents, si laborieux, qui se sont assimilés si complètement les arts de la métropole, et qui, n'ayant pas à craindre les fatigues de l'acclimatement, seront du jour au lendemain d'incomparables auxiliaires. Fidèle au plan tracé dès le premier jour, cette dernière et essentielle partie de notre programme ne sera réalisée qu'au moment où les instruments d'exploitation seront en place. Il nous faut, pour cela, faire un puissant appel à l'industrie du vieux monde. Nous avons besoin de forces motrices, de machines à vapeur, de marteaux pilons, de laveurs perfectionnés, d'outils et d'instruments aratoires. Nicolas est plus compétent que personne en la matière. Il ira en France et en Angleterre, il achètera tout ce qui nous manque et reviendra dans le plus bref délai. Henri, Édouard et Eugène m'ont manifesté le désir de ne pas quitter la colonie. D'autre part, Charles ne serait pas fâché de revoir cette Europe dont il a presque entièrement perdu le souvenir. Il l'accompagnera donc, Nicolas. Et maintenant, mes enfants, vous avez 8 jours pour faire vos préparatifs. L'or abonde ici. Vous pouvez puiser largement dans la caisse commune. Dépensez beaucoup et à propos. Nous pouvons dire aussi, nous, Américains du Sud, comme nos concitoyens du Nord, « Time is money ». Tels sont les événements qui s'étaient accomplis pendant cette période préparatoire après laquelle les Robinson assisteraient à la réalisation de leur admirable entreprise. Que le lecteur pardonne à l'auteur d'être entré dans des détails si nombreux et en apparence détachés de l'action principale. Ils sont au contraire indispensables à la suite de cette véridique histoire dont ils forment la partie organique. Si l'auteur faisait de la fantaisie, il s'inquiéterait peu de rester dans le domaine de la réalité ou même de la vraisemblance. Mais si, d'une part, sa conscience lui fait un devoir de ne donner au lecteur que des récits authentiques dont il est allé lui-même chercher la substance là-bas, dans la grande solitude équatoriale, il se doit d'autre part à la Guyane, où il a reçu un si fraternel accueil. Il veut rétablir la vérité et restituer, dans la limite de ses forces et de ses moyens, à cette terre trop méconnue, une part de la juste considération qui lui revient. 10 mois après, Charles annonçait son retour par la lettre que nous avons publiée au commencement du chapitre précédent. On comprend la hâte qu'avaient ses parents et ses frères de le revoir, l'inquiétude que son retard causait à sa mère et l'anxiété de toute la famille en voyant monter avec cette alarmante rapidité l'eau de la crique où il s'était enfoncé avec Nicolas, son fidèle compagnon. Les pirogues volaient sur les flots épais, blanchâtres de la rivière gonflée outre mesure. La crue, après s'être élevée d'environ 2 mètres, parut rester stationnaire, malgré l'énorme volume d'eau déversée continuellement dans le Maroni. La nuit vint, et les Robinson, loin de ralentir leur allure, continuèrent leur course, en s'éclairant avec des torches de cirier dont les embarcations étaient toujours amplement pourvues. Rien de lugubre comme cette navigation nocturne, dont le silence n'était interrompu que par le souffle des pagayeurs à bout d'haleine. Rien de fantastique comme le flamboiement des torches, piquant de lueurs rouges les ténèbres, envahissant les arceaux des arbres trapus sous leurs basses branches, comme les piliers d'une crypte. La distance fournie devait être fort considérable, et rien d'insolite ne s'était révélé à l'attention des canotiers, quand Lomi, qui tenait la tête, poussa un cri bref à la vue d'une épave flottante qui vint en tournoyant mollement donner contre l'avant de sa pirogue. Robin abaissa la lumière qu'il portait et fit un geste d'horreur à la vue du cadavre d'un noir, dont la face partagée par une horrible blessure émergea dans un remous pour disparaître bientôt, emporté par le courant. « En avant, enfant, en avant » dit-il d'une voix oppressée, espérant que sa femme, couchée dans l'autre canot, n'avait pu voir la lugubre épave. 500 mètres plus loin, un bruit sec comparable à des claquements de cisailles se fit entendre, mêlé à une sorte de clapotis produit par de brusques soubresauts. un coulis, mort aussi, reconnaissable à ses anneaux d'argent, étincelant sous les torches, s'en allait au fil de l'eau, déchiqueté par une demi-douzaine de caïmans. Les membres furent bientôt détachés par les amphibies en liesse, et le tronc, avec sa tête sanglante, trop gros pour ses gueules avides, s'enfonçait, puis reparaissait jusqu'au flanc pour disparaître de nouveau. Les pirogues filèrent comme des flèches, sans distraire les caïmans de leur hideuse curée. Les robinsons, tordus par l'angoisse, appréhendant un horrible malheur, crispés aux manches de leurs pagaies qui pliaient sous l'effort, couraient éperdus dans la nuit. Une tache blanche, vivement éclairée par les torches, trancha bientôt crûment sur une des deux rives. Ils s'approchèrent et reconnurent un joli canot amarré à un arbre et dont la mare était tendue à se briser sous la poussée des flots. Au milieu se dressait la cheminée d'une petite machine à vapeur verticale. Plus de doute, ce canot était celui de Charles. Il était pesamment chargé d'outils, d'armes et de provisions, mais il n'y avait personne à bord. Les Robinsons, après en avoir inventorié le contenu d'un rapide regard, allaient continuer leur course en avant quand ils s'aperçurent que les berges de la crique étaient entièrement couvertes par les eaux. Des deux côtés, la couche liquide s'étalait comme un lac aussi loin que pouvait s'étendre la vue. En même temps, se faisaient entendre sur la gauche des cris déchirants suivis d'une détonation d'armes à feu.